Section 113 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 6e, section 113, Les Amours de Gilles, livre 3e, Gilles, par Louis Morin, chapitre 4e, où l'on voit comment Gilles faisait sa cour à Paquette. Le marchand de la Merceria fut évincé et s'en alla cacher son dépit dans son arrière-boutique, et il fallut bien que la mère Pulci renonçât à l'existence bourgeoise qu'elle avait un moment rêvée pour sa fille. La pauvre bonne femme n'avait guère de volonté. Du reste, sa vie trop agitée d'autrefois lui avait préparé une vieillesse engourdie où les réveils de la pensée se faisaient de plus en plus rares. Sa cervelle, vide, allait de l'une à l'autre de ces deux idées. Le respect de la noblesse et le désir du confort, tranquille et honnête, de la respectabilité. Elle avait cru trouver, dans le mariage de sa fille avec le marchand, la réalisation du second de ses désirs. Ce mariage manqué, elle accepta le choix de Paquette qui satisfaisait le premier, Gilles étant gentilhomme. Et puis, ce n'était pas une mauvaise affaire, même au point de vue de l'argent. Gilles avait assez de succès pour obtenir de profitables engagements. Enfin, il épousait. Paquette aurait une famille, une vraie famille respectable, ce que Madame Pulci avait regretté toute sa vie de ne point avoir. Ces différentes raisons la firent consentir sans trop de peine à l'union de sa fille avec un artiste. Un artiste, un homme de théâtre, ce qu'elle détestait, bien qu'elle eût toujours vécu du théâtre et que sa fille fût comédienne. Il semblait que dans la vie qu'elle s'était faite ou qu'on lui avait faite, elle n'eût trouvé que des hontes et des amertumes. Gilles s'était toujours figuré ainsi l'existence de la bonne femme. Il la voyait jeune fille, toute pareille à Paquette, innocente et naïve, pleine de sentiments droits et sincères. Puis, séduite par quelque amant aimé auquel elle s'était abandonnée dans la simplicité de son amour, ou peut-être vendue par sa mère, puis abandonnée et s'apercevant tout d'un coup que la vie est mauvaise, facile seulement pour les méchants, dure pour ceux qui ne sont que simples et bons. Il la voyait entraînée malgré elle dans une existence coupable qui n'était point selon son cœur, relevée ensuite pendant quelque temps par l'amour de celui qui avait été le père de Paquette, et enfin arrivée à cette vieillesse pénible où le regret de la vie bonne et honnête qu'elle aurait pu avoir survivait à tout autre sentiment. Gilles avait toujours eu le respect de cette vieille que tout le monde aurait traitée de coquine. Maintenant, il avait pour elle de la reconnaissance. Il sentait que c'était sa plainte continuelle, l'avertissement constant de sa douloureuse expérience qui avait protégé Paquette, qu'il avait gardée pure au milieu de la tentation et des mauvais exemples de la vie de théâtre. Gilles et Paquette résolurent d'attendre pour se marier que le carnaval et le carême fussent passés. En attendant les noces prochaines, fixées au parc Fleury, Gilles commença de mener une vie exemplaire, à la grande stupéfaction de ses amis. Mais Pulcinelle et le docteur, ces mauvais diables, ne cherchèrent point à le débaucher, car ils n'eussent point voulu pour tout au monde faire de la peine à leur chère petite camarade. On fit des projets. Après le carnaval, les théâtres allaient fermer. Il y aurait plus de 6 mois de repos. On en profiterait pour louer un logement et s'installer en famille. Gilles, Paquette et la mère Pulci. Puis, on songerait aux obligations que Gilles avait prises aux séances de comédie qu'il avait promises à un grand nombre de familles patriciennes. C'était la mode pour les grands seigneurs de faire jouer la comédie pendant la villégiature d'été, dans leur résidence territoriale. Chacun choisissait ses acteurs. On faisait un arrangement pécuniaire. On prenait date et, devant une salle de voisins et d'amis, on faisait reprendre aux artistes leurs plus brillantes créations de l'hiver. Quelquefois, de grands seigneurs qui se piquaient de littérature se donnaient le plaisir de jouer leurs pièces avec l'aide d'acteurs connus. Les plus minces histrions étaient alors bien reçus, choyés, gâtés par des gens qui, pendant l'hiver, se seraient cru déshonorés d'en faire leur compagnie. Gilles avait été très demandé. Paquette avait de son côté quelques engagements. Cela suffirait pour faire vivre largement le jeune ménage jusqu'à la réouverture d'automne. Gilles aimait-il vraiment Paquette? Oui, certes, mais c'était un sentiment tout différent de celui que Séraphine lui avait fait éprouver. Il aimait Paquette à cause de l'amour qu'elle avait pour lui, tandis qu'il avait aimé Séraphine avec une passion plus spontanée, plus irréfléchie. Et son amour était un peu aussi le besoin que son cœur avait de protéger la faiblesse et la naïveté de son ami, la satisfaction de cet instinct chevaleresque de l'homme qui le pousse à être attendri par les grâces débiles de la femme, à accepter même souvent d'une petite main d'enfant le joug que la force ne saura lui imposer. Il y avait presque de la pitié dans l'amour de Gilles. Le carnaval finit. Les Vénitiens déposèrent le masque et la bahut et s'en allèrent dans les églises demander le pardon de leurs péchés. C'était un temps de repos forcé pour les comédiens. Gilles et Paquette le passèrent ensemble, s'occupant de leur ménage futur comme de dignes et chastes fiancés de la bonne bourgeoisie. Quelquefois, ils allaient se promener ensemble. Ils prenaient une barque et se faisaient conduire au Lido. Là, sur la plage de sable humide, ils faisaient une longue promenade, respirant avec délice les brises salées de la grande mer. Paquette cherchait des hippocampes et ramassait des coquillages. Ils descendaient vers le sud, heureux d'être tout seuls dans cette immensité, entre la mer de sable et la mer d'eau. Toujours, ils avaient quelque chose à se dire. La conversation ne tarissait point. Pourtant, il leur eût été impossible de dire le soir de quoi ils avaient parlé pendant la journée. Quelquefois, ils s'arrêtaient, fatigués, et s'asseyaient sous les pins maritimes. Il n'y avait personne autour d'eux. Aussi loin que l'œil portait, la grève était déserte. Sur la mer même, aucune barque. Gilles n'aurait eu qu'à prendre Paquette. Elle ne se fut pas défendue longtemps contre lui, et cependant il n'osait point, malgré ses désirs. Il lui semblait qu'il allait commettre un crime, détruire en un moment toute une vie de bonheur futur. Pour calmer sa fièvre, il la prenait entre ses bras, la couvrait de baisers. Mais c'était un mauvais remède, et bientôt ils étaient obligés de reprendre leur promenade. Ils rentraient le soir à Venise par la grande lagune dorée des feux du couchant. La gondole cheminait alors au milieu de l'essaim des bateaux de pêche aux voiles rouges, de tous les tons du rouge, qui semblaient autant de gigantesques papillons aux ailes fermées, endormis sur l'eau. C'était l'heure où le ciel de Venise ouvre son écrin. Les feux du ciel incendiaient la mer, brodaient des pierreries la crête des vagues. Une vapeur de pourpre flottait dans l'air, à travers laquelle apparaissait Venise lointaine, découpant sur l'eau et sur le ciel plus sombre de l'Orient sa silhouette délicate et compliquée de dômes et de campaniles. D'autres fois, ils allaient par la ville, le long des petites rues étroites, se donnant le bras comme de jeunes époux de la bourgeoisie qui font leur promenade. Ils suivaient la Merceria, regardaient les boutiques, s'arrêtaient à toutes les montres, faisaient par avance le choix de tout ce qui serait nécessaire à leur ménage. Arrivés à la place, ils faisaient le tour des galeries, contemplaient les bijoux, les curiosités, les raretés étalées aux vitrines, puis ils s'arrêtaient chez Florian pour prendre des glaces et des sorbets. Ou bien ils entraient dans les églises. Saint-Marc avait souvent leurs visites. La merveille des merveilles s'ouvrait pour eux comme s'ils n'eussent pas été des personnes en haine à Dieu. Comme aux autres, elle leur prodiguait ces ténèbres dorées, où naissent d'eux-mêmes leur recueillement et l'extase. Il s'asseyait dans un coin, côte à côte, sur l'un des bancs qui entourent les piliers, et il restait immobile, regardant. La nef s'étendait large, vide, des ruissellements d'or y descendaient de la voûte. Au fond se creusaient les sanctuaires où mille reflets amortis s'allumaient dans l'ombre rousse. Au milieu de l'église, un grand Christ ouvrait ses bras miséricordieux. Des souvenirs s'éveillaient en Gilles, des souvenirs d'un autre état de son âme. Il se rappelait ses adorations devant les choses saintes, autrefois les dévotions qui le jetaient la face contre terre, ses désolations de ne pouvoir atteindre à l'idéale perfection chrétienne. Rien de tout cela n'était resté en lui. La vue même des objets de ses saints amours ne lui donnait aucun regret des béatitudes oubliées. Il n'avait repentir que de la vie de débauche qu'il avait menée jusqu'à ses fiançailles. Son état présent ne lui inspirait ni crainte ni remords. Non, les inquisiteurs avaient beau dire et le clergé fulminé, il ne se croyait pas damné pour jouer la comédie. Le Dieu qui habitait ce temple magnifique où la lumière, l'ombre, les couleurs, les reflets avaient pour l'œil et pour l'esprit de telles caresses n'était point un Dieu maudisseur, toujours irrité des plaisirs de l'homme. Ce n'était point le Moloch tortionnaire qu'il avait vu dans les fresques du Campo Santo de Pise, le Dieu dont les bourreaux guettent pour les précipiter dans les flammes de l'enfer. Les gens qui s'adonnent au plaisir d'ici-bas, un groupe de cavaliers qui jouent du théorbe en regardant de belles dames, le Dieu qui prépare des souffrances éternelles à ceux qui veulent jouir des plus douces choses qu'il leur est données, l'art et l'amour. Non, c'était un Dieu plus miséricordieux, un Dieu que les relations de ses fidèles avec l'Orient, leur vie presque constante chez des peuples d'une autre foi, avaient rendu plus tolérant. Un Dieu qui souffrait dans son temple sans les foudroyer, les marbres et les lampes de Sainte-Sophie et les statues des temples grecs, un Dieu qui n'avait point permis que l'odieuse Inquisition vînt ensanglanter Venise. Celui-là, le Dieu qu'on adorait dans la basilique de Saint-Marc, n'avait point de ces mesquines colères et ne damnait point les pauvres acteurs, comme l'affirmait un stupide inquisiteur d'État. Une fois, comme ils sortaient ensemble de l'église, Gilles et Paquette, Paquette se serra contre son fiancé, toute émotionnée par une idée qui lui était venue. « Gilles, est-ce vrai que le bon Dieu ne nous aime pas ?» Gilles leva la main vers une mosaïque qui représentait Jésus dans les limbes. « Par Jésus qui nous a sauvés, Paquette, je te jure que Dieu ne nous haït point. » Fin de la section 113. Lu par Agnès Aubi 2023.